Entre-temps, on a eu accès à ces relevés bancaires. Figurez-vous que vous vous plantez complètement. Madame Murmure était visiblement pleine aux as.